Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'assassinat non résolu de l'ex-ministre Joseph Fontanet le 1er février 1980. On meurt beaucoup sous la cinquième. Je n'aime pas ça, dénonçait l'un des anciens candidats à la présidentielle, Pierre Marcilci, dans un article du Matin, le 29 octobre 1980. Le sénateur de la Charente n'avait pas tort. Pendant le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, trois ministres ou anciens ministres ont trouvé la mort dans d'étranges circonstances. En décembre 76, l'ancien membre du gouvernement de Pompidou, Jean de Breuil, est exécuté froidement, peut-être impliqué dans un trafic d'armes. Le 30 octobre 1979, c'est le corps de Robert Boulin, ministre du Travail, qui est repêché dans un étang de la forêt de Rambouillet, suicidé dans une flaque d'eau, officiellement. Trois mois plus tard, en plein centre-ville à Paris, la nuit, Joseph Fontanet, résistant, ancien ministre de la Santé sous Georges Pompidou et de l'Éducation nationale sous Jacques Chaban-Delmas, est exécuté d'une balle. Qui pouvait en vouloir à ce centriste qui avait quitté la vie politique depuis 4 ans? Gang de Lyonnais, casino mafieux, simple mauvaise rencontre au mauvais moment? Depuis 40 ans, toutes les hypothèses plus ou moins farfelues fleurissent et la brigade criminelle n'est jamais parvenue à résoudre l'assassinat de l'ancien député savoyard. Autrement dit, le mystère Fontanet reste entier. Notre invité aujourd'hui, Dominique Labarrière, auteur de « Quand la politique tue », paru en 2014. Pour ce livre, il a enquêté sur les différentes théories liées au meurtre de Fontanet. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire, Constance Villanova, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Février 1980, minuit passé, boulevard Émile Augier, 16e arrondissement de Paris. Dans l'immeuble Art déco qui porte le numéro 40, Sylvie et Emmanuel de Las Cases saluent leurs hôtes et s'engagent vers le rez-de-chaussée. Chez ce couple distingué, Madame est la sœur de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République en exercice. Monsieur est donc son beau-frère. Le couple vient de quitter un dîner mondain. Sur le trottoir du boulevard, toujours calme, la nuit est claire, la température est douce pour un mois de février. La conversation tourne autour du dîner, celui-là dit ça, celui-là dit autre chose. Quand soudainement, les Las Cases aperçoivent devant le numéro 36, entre deux voitures, un corps humain, la tête dans le caniveau. C'est Joseph Fontanet, ancien ministre et secrétaire d'État sous De Gaulle et Pompidou. C'est lui qui gît là, quasi inconscient, dans une flaque de sang. Il trouve la force de murmurer « Voiture, tirez !» Le couple prévient la concierge du 36 boulevard Émile Augier. La victime, Fontanet, 59 ans, est transportée entre la vie et la mort à l'hôpital Laennec. C'est le commissaire Olivier Foll, numéro 2 de la brigade criminelle de Paris, qui établit les premières constatations. Il retrouve une balle de 11.43 dans le caniveau, le calibre habituel des truands et des règlements de compte. La balle a pénétré dans le dos de l'ancien ministre pour ressortir sous l'aisselle. 3 mois après celle brutale et mystérieuse de Robert Boulin, le 30 octobre 1979, encore un ministre qu'on retrouve mort, dans des circonstances elles aussi très troubles. L'ancien ministre Joseph Fontanet a donc été blessé de 2 balles de revolver cette nuit, un peu avant 1h du matin, devant son domicile à Paris, dans le 16e. Tout de suite, le récit de l'agression avec notre reporter Sylvain Augier qui se trouve sur place devant le domicile de M. Fontanet. Il est minuit et demi cette nuit. Joseph Fontanet, qui revient d'une conférence, se gare devant chez lui, descend de sa voiture et à l'instant où il va passer le pas de sa porte, une voiture arrive à sa hauteur, 2 coups de feu claquent et la voiture redémarre aussitôt. Joseph Fontanet s'effondre, atteint au poumon et à l'épaule. Il n'y a eu aucun témoin, on ne retrouve aucune douille sur le sol, on sait seulement que c'était un calibre très puissant du 11.43, dit la police. Bien sûr, vous nous rappelez dès qu'il y a du nouveau. Pendant que vous parliez, Sylvain Augier, notre reporter José Sétien a eu Madame Fontanet au téléphone. Elle nous a donné pour France Inter une information très importante. Son mari n'a jamais, jamais reçu de menace, quelle qu'elle soit. La veille, dans la soirée du 31 janvier, Joseph Fontanet donne une conférence dans le Val-d'Oise. Celui qui s'était retiré de la vie politique depuis 6 ans... s'adresse ce soir-là des élus locaux et des cadres territoriaux pour vanter les bienfaits de l'informatique dans la gestion des municipalités et des conseils généraux. le tout grâce notamment à sa société La Soderec qu'il a créée il y a 4 ans. Le 31 janvier 1980, donc, vers 23h, à bord de sa Renault 5, Fontanet quitte la petite ville de Viarme, à 50 km de la capitale. Sur le siège passager s'est installé son collaborateur, André Delannery. Le duo marque un premier arrêt au 36 boulevard Émile Augier, chez Fontanet donc, pour décharger du matériel de projection et le monter au deuxième étage où se trouve l'appartement de l'ancien ministre. Joseph Fontanet raccompagne ensuite son collaborateur dans le 15e arrondissement. Il prend enfin la direction du boulevard Émile Augier. 1300 mètres à parcourir, 7 minutes de trajet pour rejoindre la rive droite. La conduite est rapide, vive, Fontanet aime jouer avec les limites de vitesse. Il se gare devant chez lui, coupe le contact, sort de sa voiture. À minuit 17, il est découvert par le couple Las Casas au sol. Quelques heures plus tard, les journalistes se ruent devant l'hôpital Laennec, dans le 6e arrondissement. Parmi eux, William Gary, pour France 2. État stationnaire, mais très préoccupant, tel est le contenu à 18h du dernier bulletin de santé de M. Joseph Fontanet. Je vous rappelle que M. Fontanet a été transféré à l'hôpital ce matin à 2h30. Il a été opéré après une réanimation rapide. Le professeur Debès, chef du service des urgences, n'a relevé qu'une blessure par balle, une balle de gros calibre dans le thorax, dont l'extraction a été la partie la plus délicate de l'opération. Une dizaine de médecins ont participé à l'intervention chirurgicale qui a duré près de 6 heures. Les services de l'assistance publique ont communiqué qu'il n'y aurait plus d'autres bulletins de santé. Ce soir, l'état de M. Joseph Fontanet est jugé très critique. Joseph Fontanet meurt de ses blessures presque 24 heures après le coup de feu qui lui a transpercé le poumon. Et les hommages se multiplient. Le président Valéry Giscard d'Estaing envoie un télégramme à la veuve de l'ancien député de Savoie, Jacques Chirac, aux manettes du RPR, et maire de Paris salue, je le cite, « l'homme droit, fidèle et courageux ». Devant l'hôpital Laennec, Jacques Chaban-Delmas, alors président de l'Assemblée nationale, évoque celui qu'il avait nommé ministre de l'Éducation nationale en 1969. Il était son plus fidèle soutien. S'il y avait beaucoup de Joseph Fontanet, la France et le monde ne connaîtraient ni méchanceté, ni violence, ni haine. Et que la perte de Joseph Fontanet nous atteint tous. Tous ceux qui le connaissaient et tous ceux qui ne le connaissaient pas. Et je souhaite que chacun lui accorde une pensée, et une pensée de gratitude, car il a passé sa vie au service des autres. 5 février 1981, rue de l'Annonciation, parvis de l'église Notre-Dame de Grâce de Passy, 16e arrondissement. Les visages défaits, les silhouettes noires se saluent sous un ciel gris. Il est 10h30. Les obsèques de Joseph Fontanet sont célébrées par Monseigneur Marty, archevêque de Paris. La photo de sa veuve et de ses 5 enfants à la sortie de l'église inonde la presse de l'Hexagone. Il sera inhumé le lendemain à Brison-Saint-Innocent, en Savoie, sa terre natale. À l'église Notre-Dame de Grâce de Passy, arrivée de Madame Giscard d'Estaing, qui représentait le président de la République, retenu par le sommet franco-allemand, ainsi que Raymond Barre. C'est Jacques Barrault, ministre de la Santé, qui représentait le gouvernement. D'autres ministres comme Christian Bonnet, Olivier Stirn, mesdames Pelletier et Pasquier étaient présents. Les amis politiques de Joseph Fontanet étaient conduits par Jean-Luc Canuet, président de l'UDF. Madame Timone Veil assistait aux obsèques en tant que président de l'Assemblée européenne et amie de la famille. Une cérémonie d'une grande simplicité, la vie de Joseph Fontanet est marquée par le refus du mépris et de l'écrasement de l'adversaire politique, dira Monseigneur Cuminal, qui présidait les obsèques auprès de Monseigneur Marty, archevêque de Paris. Le matin du 6 février, alors que la famille de Joseph Fontanet lui rend un dernier hommage à Brison-Saint-Innocent, à Paris, au 36 quai des Orfèvres, les enquêteurs de la brigade criminelle s'arrachent les cheveux. L'enquête a pourtant été confiée à Marcel Leclerc, sommité du 36, qui fait travailler sans relâche à ses 15 hommes. Mais dès le lendemain de l'assassinat, 6 groupes s'étaient relayés pour revendiquer l'acte. Ça allait des brigades juives aux brigades autonomes révolutionnaires, rien de bien clair. Aucune revendication ne sonne juste. L'enquête piétine. Et puis, à part une balle, Pas d'indice. Une trentaine de pistolets calibre 11-43 sont expertisés, en vain. Ce 6 février, dans les locaux de la crime, l'un des rares témoins, si ce n'est le seul, déçoit les enquêteurs lors de son interrogatoire. Surnommé l'homme au chien par la presse, il affirmait avoir été menacé par des individus à bord d'une R16 grise la nuit du crime lors de la promenade quotidienne de son canidé. À 23h30, de l'autre côté des rails, pile en face du logement de l'ancien ministre, boulevard Jules Sandeau, les voyous, bien calés sur ce bout de trottoir, planque idéale avec vue dégagée pour observer les allées et venues de Fontanet, lui auraient dit « Tire-toi, et vite, si tu veux pas avoir d'ennui ». Mais l'interrogatoire ne donne rien. En dehors de l'homme au chien, pas d'autres témoins, donc. Seul un gardien a entendu le coup de feu sur ce boulevard désert, sans magasin ni enseigne, typiquement 16e. Pas de cri, pas de bruit de dispute ne précédait le tir. Alors, règlement de compte, meurtre politique, erreur de la part d'une bande de malfrats, autrement dit bavure. Les dossiers du ministère du Travail et de l'Éducation sont passés au crible, mais Leclerc et ses hommes sont catégoriques. Il n'y a aucune zone d'ombre dans la vie de cet ancien ministre au parcours impeccable. Alors, qui était celui que le mari de la ministre Simone Veil qualifiait de conscience ardente, déguisé en glaçon? En 1969, alors ministre du Travail, nommé par le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, des journalistes de la RTF le suivent sur le lac d'Évian, en bateau. Lorsqu'il vient à Saint-Innocent, sur les rives du plus grand lac de France, Joseph Fontanet redevient pour quelques jours le président du Conseil Général de Savoie. Oh, vous savez, une saison touristique pour un département comme le nôtre est une saison au cours de laquelle il y a des manifestations importantes auxquelles je souhaite participer. Et puis il y a tout de même quelques dossiers qui doivent être traités, même en cette période. C'est le cas des dossiers qui concernent les autoroutes alpines. Joseph Fontanet a un grand projet pour la rentrée. Il veut jeter les bases avec les syndicats et le patronat d'une politique familiale d'ensemble, notamment pour lutter contre la crise de la natalité. Je pense que dans un pays évolué comme le nôtre, une politique démographique, c'est nécessairement une politique familiale, une politique d'aide à la famille. Joseph Fontanet est avant tout un Savoyard. Né à Frontenex, commune ceinturée par le massif des Bauges et le col de Tamiers, dans une vieille famille bourgeoise, le petit Joseph est envoyé à Lyon dans un établissement catholique. Et pour cocher toutes les cases de la bonne éducation, il est inscrit chez les Pères Maristes de Vaugirard à Paris, établissement qu'un certain François Mitterrand côtoie lui aussi. À 16 ans, le gamin prodige décroche son bac, auréolé d'un 20 sur 20. Il est admis à HEC avec tapis rouge. Il rejoint l'entreprise de pâtes alimentaires de son père, basée à Albertville, et s'engage dans la vie associative et les mouvements de la jeunesse chrétienne. Et puis vient la guerre. En 1943, Fontanet a 20 ans et un engagement de fer. Il refuse le service de travail obligatoire, le STO. Non, il ne soutiendra pas l'effort de guerre nazie. Alors, il rejoint la clandestinité et le maquis. Intercepté par la garde civile espagnole, il est envoyé au camp de concentration de Miranda, dans la ville de Burgos. Il profite d'un transfert pour s'échapper, rejoindre Alger et s'engager dans l'armée dirigée par le général Delattre de Tassigny. En 1944, ce gaulliste de la première heure participe à la libération et à la création par Georges Bidault du MRP, Mouvement Républicain Populaire, Parti Chrétien Démocrate Centriste, parcours sans faute. En 1956, père de 5 enfants, il est élu député de Savoie, rôle qu'il tient pendant 20 ans. Et il fait les sports d'hiver son cheval de bataille et favorise l'établissement de grandes stations de ski comme Val Thorens. 3 ans plus tard, première entrée en politique à Paris. Il intègre le gouvernement de Michel Debré en tant que secrétaire d'État au commerce et à l'artisanat. En 1962, il devient ministre de la Santé de Georges Pompidou. Mais face à l'euroscepticisme du premier président de la Ve République, le général de Gaulle, il rompt idéologiquement avec lui. Ce chrétien fervent et travailleur ardent, comme le décrit Jean-Noël Bergeroux dans Le Monde, en 1980, ne transige pas. C'est un centriste, et on sait à quel point cette famille politique n'a cessé de promouvoir l'idée européenne, elle en est même l'un des socles de sa pensée, aujourd'hui encore. Si de Joseph Fontanet on sait peu de choses, finalement, c'est que cet homme politique connaît le pouvoir de la presse. D'où sa prudence et cette absence de couac dans son parcours politique. Oh, tout juste quelques remous. À l'éducation nationale, entre 1972 et 1974, par exemple, il met en place la réforme de l'université avec notamment la création du diplôme de premier cycle, le DUG. Il entame ainsi une réforme du secondaire. Considéré comme un barrage pour entrer à l'université, le texte provoque la colère des lycéens qui, en mars 1974, s'emparent des rues de l'Hexagone, sans toujours comprendre les raisons exactes pour lesquelles ils manifestent, j'en témoigne personnellement, et certains d'entre vous aussi, j'imagine. En tout cas, les grèves dans les établissements font rage. En 1973, le ministre Fontanet est invité à la télé pour débattre de sa réforme avec un certain Michel Field, alors leader du mouvement lycéen et qui lui savait pourquoi il manifestait. Vous savez que les jeunes des CET sont en lutte aujourd'hui avec nous. Vous savez que les jeunes ouvriers nous ont rejoints hier. C'est qu'ils dénoncent ces manœuvres qui tentent à une chose, c'est à embrigader la jeunesse. C'est ce que veut votre gouvernement, c'est ce que la jeunesse aujourd'hui refuse. Un simple petit mot sur les manipulations. Dans le Nouvel Observateur de cette semaine... Vous êtes interviewé et vous dites ceci. Le mouvement n'est manipulé par personne. Notre ambition n'est pas de tout contrôler, mais d'apprendre aux dizaines de milliers de lycéens qui sont en grève depuis 2 semaines ce qu'est l'organisation démocratique. Ils apprennent tout seuls, monsieur le ministre. Ils n'ont pas besoin de moi ni de vous. Ça n'est pas ce que vous dites. Vous expliquez là que c'est vous qui leur apprenez. Alors voyez-vous, vous contredisez. Mais aujourd'hui, les lycéens prennent leur but en main tout seuls, vous le savez. Et nous n'y sommes presque plus pour rien maintenant, nous sommes partie prenante, c'est tout, et nous nous en félicitons. Presque plus. En 1974, Joseph Fontanet, le centriste, soutient pourtant Jacques Chaban-Delmas, et non pas Valéry Giscard d'Estaing. Mauvaise pioche, l'échec de son poulain à l'élection présidentielle lui fait quitter la vie politique et perdre son siège de député savoyard. 3 ans plus tard, il fonde un nouveau journal, J'informe. Avec pour ambition assumée de concurrencer le mastodonte, Le Monde, qu'il considère comme à la solde de la gauche. Fontanet veut donner naissance à un grand quotidien démocrate de droite. Ce sera sa dernière réalisation. Et voici comment il présentait ce projet au JT de 20h en 1977. Comment un ancien ministre passe-t-il dans le rôle d'un directeur de journal et que ressent-il dans ce nouveau rôle ? Vous savez, il y a beaucoup de choses communes. Lorsqu'on a une responsabilité politique, on est obligé de suivre l'actualité de très près. On est obligé d'essayer de comprendre ce qui se passe. On est obligé de discerner ce qui se prépare et qui façonnera l'avenir. Il est évident cependant qu'il y a aussi une grande différence. Comme je l'ai dit, lorsqu'on est engagé dans le combat politique, il faut absolument convaincre, persuader, justifier ce que l'on fait. Je crois que dans une tâche d'information, il faut surtout aider les gens à comprendre. De septembre à février, 77 numéros de ce journal sont vendus en kiosque, mais il finit par faire faillite. J'informe n'est plus. Étrange tout de même de ne pas lui donner une chance plus longtemps, penseront jusqu'à ses détracteurs. Mais nous y reviendrons. 2 ans après ce flop journalistique, Fontanet fonde la Soderec, filiale du Crédit Mutuel, une société d'études et de réalisation pour les équipements collectifs. Son objectif, c'est d'accompagner les collectivités locales dans la gestion économique de leur développement. Et c'est justement en lien avec la Soderec que se dessine la première piste que les hommes du commissaire Leclerc veulent explorer en ce mois de février 80. Face before my friend, but I don't know. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Le lendemain de sa mort, le 2 février 1980, Joseph Fontanet devait présider une réunion à Annecy sur le financement d'un important complexe touristique comprenant des salles de jeu. La municipalité lui avait demandé d'intervenir en sa qualité de directeur de la Soderec. Ce complexe touristique flambant neuf sera installé dans l'Imperial Palace, hôtel abandonné avec vue imprenable sur le lac. Il devrait abriter un palais des congrès et un nouveau casino sur l'esplanade du Paquier, devenu royaume de la magouille. Les croupiers y trichent à la roulette, les caissiers jouent avec les jetons. Six finissent en prison. Fin février 80, le patron du Cygne, un nightclub qui jouxte le casino, est retrouvé tabassé à la barre de fer devant chez lui, dans le coma. Bref. Un cloaque qui tremperait avec la mafia italo-grenobloise. C'est donc bien toute une pègre dont veut se débarrasser la mairie d'Annecy en créant une salle de jeu plus réglo avec l'aide de la Soderec. Cela permettra également d'attirer de potentiels clients amis des banques suisses. À Paris, quai des Orfèvres, pour le commissaire Leclerc, évidemment, c'est une piste à étudier. Et le 25 février, trois semaines après l'assassinat de l'ancien ministre, le directeur du casino est inculpé pour fraude. Il était interrogé par Antenne 2 quelques heures avant. Je pense que tous ces éléments ne sont pas liés. Enfin, je suis fortement choqué de l'agression qu'a subie notre directeur de la discothèque. Mais je me refuse à penser qu'il y a un lien entre cette agression et les événements du casino. Vous allez voir le juge d'instruction demain. Oui. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer ? Ben, il est certain que ces événements nouveaux ne vont pas arranger mes affaires, puisque maintenant cette situation devient dramatique. Moi, je n'allais voir le juge que pour des problèmes concernant la gestion intérieure du casino. Maintenant, il y a presque mort d'homme. On parle même d'un ancien homme politique concerné dans cette affaire. J'en suis tout à fait désolé, parce que je pense que ça va certainement perturber ma vie future. Et j'espère, je souhaite de tout mon cœur que toutes ces choses ne soient pas liées. C'est tout ce que je peux dire. Alors, la piste d'Annecy tient-elle la route ? Au 36 quai des Orfèvres, même si elle est digne d'un polar, cette hypothèse crapuleuse prend vite la poussière. Fontanet n'était en aucun cas décisionnaire de quoi que ce soit dans le projet du Casino Savoyard, et s'il s'agissait de son tout premier rendez-vous sur le sujet, il ne pouvait pas être au courant de beaucoup de choses. Alors qui aurait pu prévoir, qu'il accepte ou non d'ailleurs, de prendre part au projet ? En évoquant la piste d'Annecy, le commissaire Leclerc parlera dans ses mémoires d'une spéculation intellectuelle. Alors, qui en voulait à Joseph Fontanet, l'anti-cible par excellence ? Une autre hypothèse émerge, moins polar, moins que les orfèvres, celle de la vengeance d'un automobiliste fou, ou plutôt de plusieurs automobilistes givrés. En février 80, en effet, l'Hexagone découvre la bande à Pupus, bande à Thérèse, du nom de Thérèse Gulkers, 20 ans, casier judiciaire long comme le bras. Avec ses copains, imprégnés de l'ambiance orange mécanique du début des années 80, tout ce beau monde s'attaque selon ses humeurs à des boîtes de nuit, des boutiques, des automobilistes. Ils ont leurs entrées à la Goutte d'Or, un quartier plutôt craignos, diront certains, et ils se procurent des armes dans un café de Levallois-Perret. Parfois, Thérèse et sa bande s'ennuient à mourir. Alors, pour s'occuper, ils s'en prennent à des anonymes. Oui, monsieur aime tout le monde, enfin ceux qui osent les doubler en voiture, par exemple. La veille de la mort de Fontanet, la bande à Pupus pourchasse gratuitement en voiture un couple de commerçants et tire. Pour échapper au coup de feu, le couple se réfugie dans le commissariat de la Porte Saint-Cloud, dans le 16e arrondissement. Et là, la bande se met à arroser la façade de la maison Poulaga, tranquille. Le 1er février 1980, quelques heures après la mort de Fontanet, Thérèse et ses sbires, à bord d'une 305 bleue volée, font feu sur un autre automobiliste, au hasard, dans le passage souterrain de l'Étoile. Le 12 février, 12 jours après la mort de l'ancien député, les jeunes, imbibés d'alcool et accros aux sensations fortes, quittent leur squat et s'attaquent à un bureau de poste à Fresnes. Mais la police les attend. C'est fini. Un 11-43 est retrouvé parmi leurs armes lors d'une perquisition. Modèle identique à celui qui a tué Joseph Fontanet. Stéphane, Rabat, Thérèse et Pascal sont mis au placard. Et certains avouent, oui, Fontanet c'est eux. Et c'est signé la bande à Pupus. Mais il en manque un. Un certain Philippe, en cavale depuis la nuit du 31 janvier au 1er février, comme par hasard. Il a quitté Thérèse pour disparaître à la même date que celle de l'assassinat de Joseph Fontanet. Le 22 avril 1980, Philippe est arrêté par la police de Pouilly-en-Auxois lors d'un contrôle routier. Son alibi, invérifiable, est en béton. Le soir du meurtre, il était en retraite à Thésée, monastère œcuménique qui accueille beaucoup de marginaux à l'époque. Mais Leclerc et ses hommes tiennent enfin les assassins de Fontanet. Le 26 janvier 1982, après avoir publié un papier sur les déboires de la bande à Thérèse, Le Monde donne la parole à une lectrice en colère, maître Odile Davernas, avocate à la Cour d'appel de Paris. L'invention d'une bande à Thérèse qui n'a jamais existé que dans l'esprit des policiers valorise peut-être l'action de ceux-ci. Mais les faits sont plus modestes. Thérèse n'en est aucunement le chef incontesté et n'a pas participé à la plupart des affaires contenues dans ce dossier. Que le commissaire Leclerc considère Thérèse comme une gamine incroyablement dure, irrécupérable, est son affaire. J'admire qu'une interpellation et une garde à vue lui suffisent pour porter ainsi un jugement définitif sur une adolescente, sa personnalité et son avenir. Ce n'est sûrement pas avec des jugements aussi superficiels que péremptoires que l'on prendra l'exacte mesure de la désinsertion des jeunes et des moyens d'y remédier. En faire les héros négatifs qu'ils ne sont pas, et utiliser pour se faire l'inquiétude soulevée par le meurtre de Joseph Fontanet, dont aucun d'entre eux n'est inculpé, c'est encourager une certaine psychose. C'est aussi encourager un certain racisme anti-jeune. Fontanet, victime de la bande à Thérèse, ou invention médiatique et policière liée à un contexte de violence ? En tout cas, ça sent le roussi pour Leclerc et ses hommes. La bande s'est murée dans un mutisme absolu. Les alibicoles, les laboratoires de la police judiciaire ne donnent aucun compte-rendu précis. En désespoir de cause, la contre-expertise est confiée au laboratoire de Wiesbaden, en Allemagne, les mieux équipés en Europe. Les résultats tombent le 29 janvier 1982, 2 ans après la mort de Fontanet. Ils sont formels, l'arme de la bande n'est pas celle qui a assassiné le ministre. Exit la thèse de la bande à Pupus. Alors que l'enquête s'embourbe, une troisième piste apparaît, celle du journal J'informe et de ses financements. En 1974, après la mort de Georges Pompidou, Jacques Chaban-Delmas, baron gaulliste, est candidat à l'Élysée. Parmi ses soutiens, on l'a dit, Joseph Fontanet. Il faut avoir à l'esprit que dans les années 70, les candidats n'ont pas à rendre compte quant au financement de leur campagne. Et il se trouve que celle de Chaban est soutenue par le service Action Civique, le SAC. Créé en 1960, puis dissous en 1981, c'était une association au service du général de Gaulle et de ses successeurs, sorte de garde prétorienne de fidèles, selon la droite, ou police parallèle, voire carrément un rassemblement de barbouzes pour la gauche. Problème, le SAC aurait compté parmi ses membres des malfrats du gang des Lyonnais. Gang qui a sévi de 1967 à 1977 à coups de braquage dans la région de Lyon. Et puis, avec la carte de membre du SAC, on peut s'adonner aux petites magouilles plus facilement. Bien, mais quel rapport avec un quotidien comme J'informe et l'intègre Fontanet ? Le journal aurait peut-être bénéficié de sommes destinées via le service Action Civique à la campagne de Jacques Chaban-Delmas en 1974. C'est en tout cas une thèse fouillée par le commissaire Leclerc, très fouillée. Un journal a besoin de temps pour se faire une place, et 4 mois, c'est court. Alors, peut-être que la bande du gang des Lyonnais a voulu venger sa perte d'investissement et de fonds après le fiasco J'informe. Mais la vengeance semble bien tardive, puisque le meurtre de Fontanet survient 3 ans après l'impression du dernier numéro de J'informe. Cette piste est-elle sérieuse ? Le 20 mai 1982, 2 ans après la mort de Fontanet, un rebondissement ravive l'affaire. Une villa savoyarde appartenant à la famille de l'ancien ministre est cambriolée à Brison-Saint-Innocent, puis brûlée. La police judiciaire parvient à interpeller un certain Bernard Izard, qui se présente comme un petit cambrioleur. Mais en fouillant, la PJ comprend que le caïd n'est autre que le beau-frère d'Edmond Vidal, dit Momon, membre du gang des Lyonnais. Que venait-il faire dans la villa de Fontanet ? S'agit-il d'un lien avec le casino ou avec les fonds opaques du journal J'informe ? Toujours est-il que le butin de ce larcin reste maigre. Un transistor, une cave à liqueur, un téléviseur, des cuivres et de l'argenterie. 1 mois plus tôt, le ou les mêmes cambrioleurs ont visité 7 autres pavillons dans le secteur. La veuve de Fontanet l'affirme dans François le 22 juin 1982. L'incendie de ma villa est dû à une maladresse du cambrioleur qui a renversé une bougie dont il se servait pour s'éclairer. Quant à de prétendus fameux dossiers et papiers explosifs qu'on aurait voulu faire disparaître, c'est pure affabulation. Non, il n'y avait dans le secrétaire que des souvenirs de famille. En 1982, 2 ans après la mort de Fontanet, l'hypothèse du gang des Lyonnais est écartée. Et depuis, rien. Non, rien. C'est ce qu'on appelle un crime non identifié au parfum de scandale, puisque c'est un ancien ministre qu'on a assassiné. Depuis 40 ans, diverses théories fleurissent et frôlent le mauvais film policier. Et si Fontanet avait été confondu avec quelqu'un d'autre, par exemple ? En 1984, en effet, un général iranien est abattu rue de Passy à Paris. Gholam Ali Oveissi était commandant à l'époque du Shah d'Iran et vivait en exil dans la capitale depuis la révolution islamique de Khomeini. Il y préparerait un coup d'État pour réinstaurer la monarchie. Il était donc la cible des agents iraniens. Or, la police fait le lien. Fontanet et Oveissi se ressemblent trait pour trait, même nez aquilin, même forme de crâne. Mais très vite, la piste géopolitique tombe à l'eau. Oveissi ne se déplaçait jamais seul, et surtout pas en R5. Alors, qui a tué Joseph Fontanet ? 40 ans plus tard, la seule piste possible serait un truc bête. La vengeance d'un automobiliste en colère et armé. Fontanet aurait été au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà. L'opinion publique a du mal à croire qu'un homme aussi important tombe pour une raison si absurde. Et pourtant. Tu tombes en haut sur mes câbles. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'assassinat de Joseph Fontanet. Notre invité, Dominique Labarrière. Bonjour. M'entendez-vous ? Bonjour, Fabrice Drouet. Parfait. Vous m'entendez ? Très bien, je vous entends. Vous êtes écrivain. Vous avez publié en 2014 « Quand la politique tue » aux éditions de la Table Ronde. Vous y explorez les morts mystérieuses de Boulin, Grosouvre, Bérégovois et bien sûr, celle de Fontanet. Sur un tout autre sujet, mais d'histoire aussi, votre livre « Le bûcher des sorcières sur les femmes et l'Inquisition » est sorti en septembre dernier chez Pygmalion. Voilà, c'est votre dernier livre, mais on va parler de l'autre, puisque chez les femmes et l'Inquisition... Merci de parler de celui-ci. Nous sommes assez loin de Fontanet avec les femmes et l'Inquisition. Alors, la première chose qui marque dans cette affaire, c'est sa non-résolution. Peut-on dire qu'il y a pas mal de risques de ne pas savoir, de ne jamais savoir, qui a tué Joseph Fontanet ? On se dirige tout droit vers ça, c'est-à-dire ce qui fait la façon... Ah, là, nous avons un risque de communication. Nous n'entendons plus notre invité. Nous allons essayer de le retrouver. Parfois, ça fonctionne. Parfois, ça ne fonctionne pas. Si nous ne retrouvons pas notre invité, eh bien, nous le retrouvons. Dominique Labarrière, m'entendez-vous ? Ah, là, je vous entends. Bien. Bien, donc, vous disiez que oui, on se dirigeait vers une affaire qui ne sera jamais résolue, quoi. Oui, oui, sauf si quelqu'un sur son lit de mort à ce dernier moment se souvient de quelque chose, d'un témoignage, mais enfin c'est peu vraisemblable. Le problème, c'est qu'on a eu une série d'hypothèses, moi j'ai les miennes, mais qui ne débouchent sur rien. La difficulté, c'est de mettre en face un mobile crédible, et chaque fois qu'on veut mettre en face un mobile crédible, on la chope, on va dans le mur. C'est extraordinaire, cette affaire-là. Mais oui, pourtant elle est confiée à un grand commissaire, Leclerc, décrit dans la presse de l'époque. Par ses pairs comme une sommité du 36. L'enquête est dirigée par une équipe solide. Selon vous, les enquêteurs ont-ils échoué ou alors tout s'est-il ligué contre eux finalement dans l'enquête ? Ben, c'est-à-dire, à un moment, Leclerc parle de Fontanet comme l'anticible par excellence. Mmh. Il exprime son désarroi. C'est-à-dire que c'est le cauchemar des policiers, un personnage comme Fontanet. C'est-à-dire, il y a rien. Il n'y a pas de quoi attraper quelque chose. Il n'y a pas d'aspérité. Il n'y a pas de maîtresse. Il n'y a pas d'affaire d'argent. Il n'y a pas de délicatesse avec le fisc. C'est pas un affairiste. C'est quelqu'un qui a quitté la politique 6 ans avant, qui est un homme politique pur, mais pas un politicien, encore moins un politicard. Il n'a pas de relation extrêmement louche, autre que celle qu'on a normalement quand on est dans la politique, enfin à cette époque-là surtout. Donc c'est désespérant pour Leclerc. C'est-à-dire, alors est-ce qu'il y a des insuffisances de l'enquête ? À mon avis, il y a 2 éléments qui n'ont pas été assez fouillés. Si on pense à la voiture, puisque Fontanet a des voitures et tiré, il faudrait savoir si cette voiture s'est arrêtée, si elle a considérablement ralenti, ou si elle a continué son chemin en roulant. Et puis le 2e élément que l'enquête aurait dû mettre à jour, c'est si il était habituel que Fontanet redescende de chez lui pour raccompagner son collaborateur après les conférences, parce que là on aurait pu penser qu'on pouvait l'attendre, qu'il pouvait y avoir un traquenard. Mmh. Mais si c'est la seule fois qu'il est redescendu de chez lui, c'est le hasard qui a fait qu'il s'est trouvé sur le trottoir à ce moment-là. Je sais pas si je suis clair, mais c'est des éléments factuels qu'on ne trouve pas dans le récit de l'enquête. C'est-à-dire qu'en fait les enquêteurs... Ben, ça me gêne un peu. Ben oui, mais les enquêteurs en même temps n'ont pas de prise. Il y a effectivement ce point-là sur lequel ils n'ont peut-être pas assez fouillé. Alors il y a eu des complications autour de l'expertise de la balle retrouvée, qui était déformée, je crois. Ça a compliqué les choses encore, ça. Ah ben, la balle du 11-43, c'est un feuilleton à soi seul. Hein. C'est-à-dire que on retrouve la balle, évidemment, qui a tué Fontanet. On la retrouve hors de son corps, mais on la retrouve. Et le 11-43 qui a été utilisé, c'est probablement une contrefaçon, parce que le canon, enfin le cylindre du canon, s'abîme à chaque tir. C'est-à-dire, il y a une abrasion qui se fait. C'est-à-dire qu'on ne retrouve d'un tir à l'autre jamais les mêmes marques sur la balle. C'est pour ça que l'expertise allemande conclura à l'impossibilité que ce soit l'arme qui est tirée. Mais combien de fois a-t-on tiré entre la mort de Fontanet et l'expertise allemande ? Ça, on ne le sait pas. C'est-à-dire que le fait que l'expertise allemande dit ça n'est pas l'arme qui a tiré, il faudrait interpréter ça de manière très méthodologique, en disant ça n'est plus l'arme semblable qui a tiré, mais peut-être est-ce celle-ci. Voilà, tout ça, ce sont des questions qui subsistent et qui sont assez dérangeantes, oui. Alors nous, on a exhumé cette affaire. Je dis exhumé parce que j'ai pas l'impression, moi, que, oui, que ça a vraiment mobilisé l'opinion. À l'époque des faits, comment ça a été perçu? Ben, écoutez, vous allez me trouver cynique et cruel et tout ce que vous voulez, mais Fontanet, pour l'opinion publique, c'est un personnage terne. Ouais, mais oui. Donc l'affaire ne soulève pas des passions comme si ça avait été quelqu'un d'extrêmement charismatique. C'est Fontanet, c'est un pasteur puritain, c'est ça. C'est même au physique, il est complètement. Vous citiez dans le récit que Monsieur Veil disait, que Maître Veil disait, c'est une conscience ardente déguisée en glaçon, c'est presque l'inverse, c'est un glaçon déguisé en conscience ardente, quoi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a aucun effet de manche, sur lequel ni la police, ni l'opinion publique, ni la presse people ne peut focaliser, ne peut mettre ses lumières. C'est une personnalité complètement en dehors du courant médiatique, du courant, voilà. C'est pour ça que c'est aussi très étonnant de le revoir en patron de presse à un moment donné. C'est complètement à contre-emploi. Enfin, moi, je me souviens de l'époque où ils ont créé J'informe. Je me suis dit, que vient faire Fontanet dans le monde de la presse, qui est un monde particulier et qu'il ne connaît pas plus que comme un lecteur ou un homme politique. Moi, je me souviens qu'on... C'est étonnant, J'informe. Oui, mais moi, je me souviens quand j'étais collégien que j'ai appris le nom du ministre de l'éducation, c'était Fontanet, justement, mais juste parce qu'il y a eu une grève. Sinon, on savait pas qui était le ministre de l'éducation. Fontanet était un personnage qui passait un peu inaperçu, c'est vrai. Ce qui n'enlève pas ses qualités. Ce qui n'enlève pas ses qualités multiples, on le dit, hein. L'itinéraire a été un sans faute, hein, vraiment, sans histoire. Sans faute. Vous rendez compte, à 16 ans, il a le bac avec des notes tellement excellentes qu'il intègre HEC directement. Enfin, il est brillant, mais c'est un brillant introverti. Voilà. Donc, il n'agite pas les foules, quoi. Il serait un enthousiasme fou autour de sa personnalité, mais c'est une qualité. Vous rendez compte qu'après son départ en politique, il crée Évangile et Société. C'est un chrétien, c'est un catholique fervent, sincère, mais proche de la tradition sociale du catholicisme, probablement proche du Sillon, de ces mouvements-là, vous savez, de Marc Sornier et tout ça. C'est quelqu'un des démocrates de grande conviction. C'est un centriste de démocrates chrétiens. Oui. Voilà, des grandes familles politiques. Oui, mais il y a des démocrates chrétiens. Côté de France Jordure, hein, mais lui, c'est quelqu'un de complètement intègre. Dominique Labarrière, on va se retrouver dans 3 minutes peut-être avec une communication au niveau du son un peu moins compliqué. Dominique Labarrière, on va écouter une dernière thèse, une dernière hypothèse, maintenue en tout cas par Pierre Mérindol, grand reporter au Progrès de Lyon, qui dans son livre « Lyon, le sang et l'encre » proposait une éventualité bien particulière. En septembre 1980, Bernard Gall, gendre de Louis Chêne, conseiller général du Rhône, était kidnappé, il n'a jamais été retrouvé, et Mérindol lit les deux affaires, figurez-vous. On relit Fontanet et Chêne parce qu'ils sont très amis entre eux, ils sont d'anciens condisciples, mais en plus, Chêne, qui avait fait campagne pour Chaban à l'époque très, très activement, disposait lui aussi de fonds pour la campagne électorale, bien entendu. Ces fonds inutilisés ont été, par contre, mis dans une aventure qui a malheureusement tourné court. C'est la création du journal du soir « J'informe », créé par Joseph Fontanet. Qu'en pensez-vous, Dominique Labarrière ? Ah ben, oui, alors on retombe sur J'informe et sur le kidnapping du genre de Maître Chêne. Alors, je suis sceptique par rapport à ça, parce que, pardon, vous allez me trouver cynique, mais s'il y avait des pressions exercées sur Chêne pour qu'il redonne l'argent qu'il aurait gardé du second tour des élections de Chaban-Delmas, c'était plutôt la fille qu'il fallait kidnapper que le gendre. C'est le premier point. Et puis ensuite, il y a le délai, il y a la durée de tout ça. Alors, il y a des concordances. On a cherché à faire coller un certain nombre de choses ensemble, mais c'est pas sûr. Et puis, l'argent sale, vous savez, quand on dit que c'était pour alimenter les campagnes électorales, mais pas que, c'est presque faire du politiquement correct sur des choses complètement incorrectes. C'est-à-dire, c'est pas que les campagnes électorales, c'est la vie des partis politiques et les moyens d'existence d'un certain nombre de personnes qui gravitent autour des partis politiques. Donc cet argent sale, il est partout. Pour moi, J'informe a été une lessiveuse, il y a eu des fonds perdus là-dedans, mais c'est aller récupérer, vous savez, le gangstérisme fonctionne d'une manière bizarre. Une fois qu'il a lâché prise, il a lâché prise. C'est beaucoup trop dilué dans le temps, à mon avis, pour que ça puisse correspondre. Mais bon, on se perd en conjecture, évidemment. Il y a des hypothèses, bon, j'en ai une qui ne vaut pas plus que les autres, mais voilà. Laquelle? Je pense que c'est un peu lié avec la disparition de Robert Boulin. Ce qui me fait dire ça, c'est que Robert Boulin meurt. C'est même plus du tout un suicide, on le sait à peu près de façon certaine aujourd'hui. Trois mois avant Robert Fontanet, ils ont eu le même parcours à peu près tous les deux dans le gaullisme, tous deux sont des chrétiens, ils sont extrêmement amis, extrêmement proches. On sait que Boulin, le matin de sa mort, a sorti des dossiers compromettants sur des financements de son ministère, dossiers qu'on n'a jamais retrouvés. Je ne dis pas qu'il les a confiés à Fontanet, mais je pense qu'il s'est confié, qu'il a dit des choses à Fontanet. Il peut avoir dit des choses à Fontanet. D'ailleurs, ou peut-être même lui remettre un ou deux documents, puisque après la mort de Fontanet, vous avez bien dit que sa maison en Savoie avait été cambriolée, si je me souviens bien, quatre fois avant d'être incendiée. Enfin, pour moi, il y aurait une hypothèse qui n'est pas plus absurde que les autres, le côté le moins absurde étant la proximité dans le temps, entre la mort de Boulin et la mort de Fontanet, son grand ami. Deux personnages qui se ressemblent, c'est pas des matamores, hein, ni l'un ni l'autre, ils sont plutôt discrets. Voilà, c'est des gens qui ont le même parcours dans la résistance, qui sont un peu atypiques dans la politique, comme je le disais tout à l'heure, sont pas des politicards avec le, je vais pas donner de nom, évidemment, je suis trop prudent pour ça, mais qui ont le dos tanné, qui peuvent en prendre plein la figure et qui ne bougent jamais, si vous voulez, voilà. Ouais. Qu'en est-il du SAC, le service d'action civique? Je rappelle quand même que cette organisation qui était dissoute pourrait avoir été impliquée dans l'horreur de la tuerie d'Auriol, notamment. Ah oui. Et autres exactions. D'ailleurs, il était dissous, le SAC. Le SAC dans cette affaire, vous y croyez? Ah ben, le SAC dans cette affaire, c'est comme dans toutes les affaires d'argent et de politique de ce moment-là. Le SAC, c'est véritablement, vous savez, une espèce de furoncle de la politique de ces périodes où on retrouve des pratiques de la clandestinité de la résistance. Mais oui. Voilà. Uniquement les pratiques, pas l'idéal. Bien sûr. Et puis il y a des gens de l'Algérie française, enfin de l'Ouest, qui se sont refait une virginité dans ces milieux de barbouzes pro-gaullistes ou prétendument progaulliste, enfin voilà, c'est le lien entre argent, politique et mafia et gangstérisme, et grand gangstérisme. C'est-à-dire, comme il n'y a pas de garde-fou à l'approvisionnement financier du monde politique, il n'y a pas de raison de ne pas, il n'y a pas de cloison étanche, si vous voulez, à supposer qu'elle soit étanche encore maintenant, mais là, elle l'était pas du tout, et c'était presque connu. Donc c'est la fin d'une époque, hein, le sac, c'est la fin d'une époque où il y avait ça, il y avait l'espèce de romantisme mal compris des pratiques de la résistance, de la reconversion de certains OAS, et puis du désir du pouvoir pour le pouvoir, parce que c'était quand même, ça a resté extrêmement fascinant. Il fallait la droite, c'est vous souvenez le mot perfide. Si on ne fait pas de bêtises, on est là pour 30 ans. C'est-à-dire, l'obsession, c'était de garder le pouvoir. Donc, ça, mal compris, ça ouvre la porte à toutes sortes de procédés. Ce sera le mot de la fin, Dominique Lavarrière. Merci infiniment pour... Juste un mot. Oui, je vous en prie, mais vite. Si Fontanet est mort d'un tir par hasard, on n'est plus dans le fait divers, on est dans la tragédie grecque. C'est l'accomplissement d'une destinée absolument implacable, et ce pauvre homme s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais, enfin, c'est terrifiant. Merci beaucoup, Dominique Lavarrière. Merci, merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. C'est Affaires sensibles, la mort de Joseph Fontanet, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Et puis je vous le rappelle, tous les soirs à 23h, tous les soirs de la semaine. À la technique aujourd'hui, il y avait Mathias Alléon.